jouer. Et très vite on a su tout ce que tu voulais. Avec toute ton équipe, vous vous êtes entraîné au volleyball et très vite vous avez gagné. Et on vous a appelé les attaquantes, la super équipe des attaquantes. Avec un seul cœur, les attaquantes, la super équipe du volleyball. Vous êtes les meilleurs, les attaquantes, la super équipe des attaquantes. Avec un seul cœur, les attaquantes, la super équipe du volleyball. Vous êtes les meilleurs. Alice est très volontaire et c'est une qualité que Marina Sincère a su apprécier. Au collège Marie Curie, les deux filles ont fini par devenir amies petit à petit. Et on les a appelées les attaquantes, la super équipe des attaquantes. Avec un seul cœur, les attaquantes,